peur de ceux qui sont en fuite, la fin du monde qui arrive trop vite, les débats des hommes qui sont en haut, et la fin des hommes qui sont de trop, des immeubles, un ciel, des océans, Vénus, Mars et des milliards de gens, l'adieu de ta copine qui te quitte quand tu lui dis pourquoi. Mélodie, tant de filles toujours plus jolies, les parcs qui nous accueillent même tard, et ceux qui s'y saoulent chaque soir, la peur que toi t'as du brouillard. Pourquoi ne voir?